Histoire numéro 12, Shemuel Moshe, un brave gars. Dites la vérité, monsieur Sholem Aleichem. Vous ne vous demandez toujours pas pourquoi un juif comme Jacob Yonever de Krushnik se rend comme ça en Amérique, alors qu'il n'y a là-bas ni proches parents, ni héritiers, ni amis, ni rien? La réponse se trouve dans le périple que fit notre ancêtre Jacob en Égypte, après que Joseph a été vendu par ses frères. Maintenant, le fait que la réponse ne tienne pas tellement de la question, je n'y suis pour rien. Ce que je veux dire, c'est que tous les pourquoi ont leur comme ça. Pour ne plus tourner autour du pot, je vous dirais que le pot contient une rumeur selon laquelle mon second fils, Shemuel Moshe, que le tsar s'apprêtait à fusiller dans les 24 heures, avait échappé à la mort par miracle. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire. Selon les bruits qui courent, il se trouverait dans cette fameuse contrée, justement celle vers laquelle vous et moi nous nous rendons en ce moment. Pour ne rien vous cacher, moi, je ne crois pas tellement à cette fable. Non que je sois un mécréant pour ça, non. Quand il veut, il peut. Il en a fait de plus belles que celle-là, d'ailleurs. Mais pas pour un type comme Jacob Yonever, ça, non, avec sa fichue chance. La preuve, tenez. Moi aussi, j'atterris dans cette ville-là, Krotenhag. Il y avait là des milliers de réfugiés et de sans-famille, qui tournaient en rond et cherchaient. Il y en a qui se sont retrouvés. Quel plaisir de voir des maris retrouver leurs femmes, des femmes leurs maris, des parents leurs enfants, des enfants leurs mères. Alors pourquoi pas moi, hein? Pourquoi n'aurais-je pas retrouvé là mon Shemuel Moshe? Vous allez dire que peut-être il avait déjà quitté Krotenhag avant mon arrivée, ou encore qu'il était arrivé en Amérique par une autre route, qui sait? À part ça, les types de la troisième classe en bas, ils prétendent qu'on ne peut arriver en Amérique que par Copenhague, comme vous l'appelez. Mais moi, je ne les crois pas. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils n'ont aucune idée de la différence entre la mer et la terre ferme. Sur terre, il y a des voies ferrées et des trains. Mais sur la mer, il n'y a pas de voies dans la mer, comme on dit dans les proverbes de Salomon. Vous parlez d'une comparaison. Cela n'a rien à voir. Il y a des commentaires qui expliquent tout ça. Il faut juste amener l'âne à la bonne page. En bref, vous m'avez fait sortir pas mal de mon sujet, à savoir Shemuel Moshe, mon second fils. Mais je vais y revenir tout de suite. Pour un brave gars, c'est vraiment un brave gars. Qu'est-ce que j'appelle un brave gars, vous vous demandez? Un brave gars, c'est quelqu'un qui veut s'améliorer, se faire meilleur que ce que Dieu l'a créé, vous voyez? Pour moi, ils sont tous pareils, les sionistes, les socialistes, les paniers percés, tous pareils. Moi, je les appelle tous de braves gars, voilà. Je vois venir l'objection. Moi-même, j'ai passé toute ma vie à croupir à Krushnik, à faire des affaires et à jouer les paniers percés, mais moi, j'étais propriétaire. J'avais une maison à moi, j'avais pignon sur rue, j'avais du bien. Vous comprenez ou non? Et l'autre, en rien du tout, moins de 20 ans, avec encore le lait de sa mère aux commissures des lèvres, et l'allure d'un type de plus de 20 ans, de 30 même, et une tête qui comprend tout ce qu'il y a à comprendre, qui sait écrire, lire, parler, calculer, tout. Je dis pas ça pour me vanter, vous savez que cela n'a aucune valeur pour moi. Mais si par hasard vous rencontrez quelqu'un de chez nous, et vous lui demandez, même si c'est un gamin, s'il connaît le fils de Jacob Yonever, vous verrez la réponse. Celui-là, un vrai brigand, un pandard, un voyou. Mais cela n'a rien de vrai, je vous l'assure. Cela tient du pire mensonge. Il n'a rien du vaurien ni de l'effronté. Pour l'insolence, en fait, il ne la fermera jamais devant personne, pour sûr, même pas devant le gouverneur en personne, non. Il ne proférera pas des jurons, des insultes, non. Seulement, il vous répondra d'une telle façon que vous en aurez le cafard, et que vous pourrez vous estimer heureux s'il vous laisse tranquille. D'où sortait-il donc, celui-là? Exactement le contraire de son frère Jaïel, un type posé, poli, aimable et patient. L'autre, inflexible, intraitable, indécrottable. Dieu lui donne longue vie, s'il l'a encore. Et si par bonheur il lâche que le jour c'est la nuit ou le nuit le jour, rien n'y fera, pas même tous les rois du monde. Sauf s'il fait amende honorable de lui-même. De plus, essayez de le réprimander, ça sera encore pire. Je ne me souviens pas. Vous ai-je déjà dit que chez nous, à Krushnik, les gens sont têtus comme des mules? Nous nous sommes fait dans le monde entier une réputation de tête de mule. Et de tous les Krouchnikois, ma famille est la plus obstinée de toutes. Alors imaginez, mon Shemuel Moshe. Déjà chez nous, dans la famille, il porte le titre de roi des têtes de mule. En bref, la guerre venait juste d'éclater et mon Jehiel n'était pas encore mobilisé. Alors cette mule-là, mon Shemuel Moshe, il arrive chez sa mère et exige qu'elle lui prépare un paquet avec du linge propre et autres nécessités, vu qu'il veut se rendre au gouvernement de la province, à Lublin. « Que vas-tu faire à la gobernia, à Lublin ?»« Rien du tout, » il répond, « juste m'engager chez le tsar, à l'armée. »« Dis donc, tu es devenu fou, tu as perdu la tête ou tu déménages ?» Mais rien n'y fait quand il a pris une décision. Il a attrapé une patriotite aiguë, comme tout le monde. Selon lui, nous allons montrer aux Russes que nous n'avons pas moins de loyauté que les Polonais, sinon plus. Et il me donne l'exemple du fils à Pichetchki, Stash, qu'il s'appelle, qui s'est porté volontaire juste après avoir passé son brevet. Je le passe à la moulinette. Espèce de grosse bête, va, Stash, c'est un goy, et en tant que goy, il peut arriver au grade de colonel et même de général, et peut-être plus encore, mais toi, tu oublies d'où tu viens, non? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lui, Shemuel Moshe, l'obstiné, le brave gars, qui rétorque. C'est justement à cause de mes origines que je veux faire mes preuves. Ils verront, un, que nous n'avons pas peur des armes à feu et que nous ne faisons pas de notre pantalon quand on entend un coup de fusil. Deux, que nous sommes tous égaux et que nous avons le droit à l'égalité. Vous voyez où il veut en venir, hein? Alors moi, je lui réponds dans le bon ordre, mais lui, le brave gars, il me fait taire d'entrée de jeu. Papa, ne te fatigue pas. Ça ne servira à rien. Je m'engage. Je vais à la guerre. Porte-toi bien, je t'écrirai. Dans ses propres termes, vous entendez? Alors évidemment, c'est la bourgeoise qui va tourner de l'œil. Et en effet, la voilà partie dans les pommes. Impossible, elle n'y survivra pas. Elle va se suicider. Et moi, de la calmer. Silence, Myriam. Avec des cris, on n'arrive à rien. La folie va lui passer et il va renoncer de lui-même. La preuve en est que j'avais raison. Et c'est bien dommage qu'il ne m'ait pas écouté. Donc, il a gagné la partie et le voilà en route pour la grande ville. Il le raconte à un baratin appris par cœur. Surtout qu'on n'a pas besoin de lui chatouiller la langue pour le faire parler, lui. Bon, il est juif, fils de Jacob Yonver de Krouchnik. Il s'appelle Shemuel Moshe, il veut se porter volontaire. Alors eux, ils l'écoutent patiemment, ils l'observent et ils éclatent de rire. Ils se moquent de lui et le tournent en bourrique, comme seul le tsar sait le faire. Dans sa première lettre, il me raconte comment un général lui a demandé pourquoi il voulait se porter volontaire. Il lui répond « Parce que je veux prendre part au combat. » L'autre lui demande « Et qu'est-ce que tu veux vendre à la guerre? Du poisson juif ou de la vodka russe ?» Alors Shemuel Moshe passe du rouge au vert mais se contient et répond « Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est mon devoir. J'ai l'obligation de servir ma patrie. La seconde, c'est que je veux prouver que les Juifs sont capables de faire quelque chose dans la bataille. Je veux montrer qu'à part vendre des poissons juifs et de la vodka russe, nous savons aussi manier un fusil. » Le commandant éclate de rire. « Un Juif, manier un fusil. Mettez-moi à l'épreuve. » Quel chenapan. On lui a fait passer un examen de tir. Chez le tsar, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Et en même temps, on l'a interrogé en orthographe, en lecture et en calcul, et il en est sorti haut la main. Vous comprenez? Si le fils de Pichetchki peut décrocher son brevet, alors le mien peut passer son bac. L'ennui, c'est qu'on ne l'a jamais laissé se présenter. Bon, je vois que vous voulez le fin mot de l'histoire. Reçu ou non? Reçu, et comment? Pourquoi pas? Jeune, beau, haut de taille, large d'épaule, fière allure, rouge comme le sang, blanc comme le lait, du brillant dans le regard, farouche, toujours le premier à se jeter au feu. Tenez, je me souviens, il était encore un tout petit écureuil. Un goy fait un discours sur l'égide, comme il disait, trois fois rien. Mon brave gars lui saute dessus et lui refile une paire de gifles à lui faire voir 36 chandelles. Une autre fois, les Polaques avaient décrété un pogrom pour la nuit suivante. Vous l'auriez vu, qui se retrousse les manches, prêt à coucher sans flaque d'un coup dans le caniveau. Heureusement que les Polaques, ils ne savent que parler sans jamais rien faire. Donc un brave gars, quoi. Alors voilà le brave gars soldat et on envoie son bataillon sur le front, en première ligne devant les Allemands. Au bout de 3 semaines, on lui donne une médaille, la Croix de Saint-Georges. Il paraît que c'est pas rien, ça, et qu'il m'écrit. Quelques semaines plus tard, encore un Saint-Georges, et encore un Saint-Georges un mois et demi après. Mais pourquoi se vanter tellement? Moi, j'ai horreur de ça. Bon. Vous voulez savoir pourquoi il a reçu tant de médailles? Eh bien, maniez-vous un peu et rapprochez-vous. Regardez toutes ces lettres-là. C'est de lui. Il m'a écrit sur le front même. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous les lire toutes, de A à Z, juste l'essentiel. De quoi vous donner une idée de ce que c'est qu'un brave gars? En attendant, allez manger un morceau, si on peut appeler ça manger. D'ailleurs, de la nourriture qu'ils nous donnent ici, tout n'est pas permis. Et les aliments permis ne sont pas forcément comestibles. Allez, à tantôt.